8h05, il y a du monde en studio en masse, tant mieux, parce que je vais me placer sous haute surveillance ce matin. Compte tenu de ce que je vais faire, je vais donner à mes collègues, un peu comme si vous étiez des refs au football, là. Tu sais, vous avez tout un mouchoir. OK? Fait que vous avez le droit, si jamais je vais trop loin, de lancer le mouchoir, puis là, je vais arrêter. Tiens, Mathieu. Ouais, ça c'est le tien. Du bouchoir, Mathieu. Right. Ouais. Alors, Yves, Andréanne, oui, Mathieu Andréanne. Est là également parce qu'il y a une bonne nouvelle pour nous à nous raconter tantôt, mais ça va être dans le même registre un peu. Alors, tenez-vous bien. Pourquoi je suis aussi prudent et nerveux? Parce que ça fait au moins deux semaines que je pense à ça, ce que je vais vous dire là matin. C'est songé, là. Fait que j'aurais même pas l'excuse de, si jamais ça tourne mal, de dire, ah, j'ai échappé ça de même, là. J'ai lancé ça, Mais là, faut-tu qu'on t'empêche de l'échapper ou, oui. On te laisse l'échapper puis on lance après? Ben non! aussitôt que ça dérape, lance! Ok, ça marche. Nous allons parler, mesdames, messieurs, j'y songe depuis 2-3 semaines, d'immigration. Je vais vous donner mon plan. J'ai un plan, là. Concernant l'immigration au Québec et essayer d'enrayer le phénomène des islamistes radicaux. Mais évidemment, ma crainte, pourquoi je suis nerveux? Parce que dès que tu parles de ça, raciste, intolérant, fasciste, les gauchistes extrêmes, les idiots utiles, souvent, sont aux aguets. Et je le sais que je suis ici déjà sous surveillance. Il y a des gens qui, chaque matin, au cas où vous le savez pas, je vais pas leur donner de pub, là, mais ils ont au moins 2-3 organismes, là, chaque matin, ils écoutent. Pour voir si je l'échappe pas sur un mot, une phrase, sérieux? Cité hors contexte. Ouais, ils vont pitcher ça sur le web. Là, la dernière, en passant, j'aurais dit, c'est faux ça, j'aurais dit qu'une femme ne doit pas conduire. J'ai jamais dit ça. Ce que je dis à la blague, quand on parle des gars pis des filles, du côté chevaleresque de l'homme, je dis que dans un char, normalement, le gars devrait conduire, la femme devrait être à droite. Parce que c'est toi qui devrais prendre les risques. Tu conduis comme autrefois sur une monture, sur un cheval. L'homme est en avant, puis la femme en arrière. C'est mon côté vieux jeu. Mais quand je dis ça, là, pensez pas que j'ai jamais embarqué à droite dans un char. Voyons donc. Mais si tu as fait conduire par des filles, bien, c'est un peu une boutade. Mais là, je veux pas trop donner de pub à eux autres. Là, il y a un texte sur le web qui circule, là. Que je suis pas loin d'être accusé au criminel, là, pour avoir dit ça, là. C'est premier degré en maudit, là. Je suis associé à l'imam Chaoui. Il y a un autre site qui m'associe à l'imam Chaoui. Alors, nous sommes ici au 93, et surtout moi, et d'autres aussi, mais sous haute surveillance par les extrêmes gauchistes. Alors, c'est pour ça qu'à ma tête, je suis nerveux. Mais je le fais pareil. Ça fait deux, trois, à chaque fois, depuis une couple de temps, je vais en parler, me trouve des excuses, je trouve d'autres sujets. Mais là, matin, ça me tente. Parce que, on va vous dire pourquoi je fais ça. Il y a une raison. Sinon, je l'aurais pas fait. C'est drôle, là, je me censure. C'est pas drôle, hein. J'aurais pas cru ça un jour, mais je me censure. Il y a tellement du monde mal intentionné qui attendent juste ça qu'on dérape pour nous. Je suis Charlie. Hey, mangez donc tout. Je suis Charlie quand ça fait votre affaire, puis quand ça pense comme vous autres. Le reste, vous l'êtes pas pantoute, pas de miettes. Voici pourquoi. Ça n'a pas rapport avec l'imam Chaoui. Je sais que ça a scandalisé tout le Québec, moi avec, même si on n'était pas tous d'accord, là, ses propos. Mais moi, c'est drôle à dire, ce que je vais vous parler un matin, c'est pire que l'imam Chaoui. Et ça se passe pas à Montréal, ça se passe à Québec. Puis j'en ai pas un cas, j'ai trois cas. J'ai trois cas à Québec d'islamistes radicaux dont personne parle. Pire que l'imam Chaoui. Compte ça rapidement. Après ça, je vais vous donner ma solution pour l'immigration. C'est là que les petits mouchoirs, vous les enverrez à terre si je dérape, mais j'assume. Un matin, j'ouvre mon journal de Québec, page 2. Violence conjugale, sexe et menaces sur fond de Coran. Un tout petit texte de Kathleen Frenette. Très bon, mais tout petit. Dont personne va jaser un matin. L'imam Chaoui, il a dit ça. On sait bien, la police l'a pensé, même si dans ce cas-ci, je suis d'accord avec elle, elle est forte en maudit. Puis restreindre la liberté d'expression, ça, t'as des milliers de personnes qui sont prêtes. Mais cette histoire-là fera pas jaser, mais pire. Menacé d'être brûlé à l'acide, au visage. Ça vous rappelle pas l'Afghanistan, ça? Tu sais, les talibans, ils lançaient. Moi, et là, c'est à Québec, là. L'histoire de Tania Saint-Arnaud, je pense. Ouais, aussi. C'était ça qui rappelle-toi, est arrivé. Rappelle-toi, les talibans. Mais c'est vrai. Menacé d'être brûlé à l'acide au visage et aux parties génitales. Une femme musulmane résidant à Québec a choisi de dénoncer son mari, qui l'obligeait à avoir des relations sexuelles en lui citant le Coran. Le 26 janvier dernier, la jeune femme de 30 ans a porté plainte à après que son conjoint lui ait fait des menaces. Dans un Walmart de la région de Québec ce jour-là, la jeune femme avait décidé de se rendre dans ce commerce de Le Bourgneuf pour y acheter des jouets dans le but d'ouvrir éventuellement une garderie en milieu familial. Une idée qui ne plaisait pas à son mari. Avisée par un ami, l'accusée s'est rendue sur place au Walmart et a mentionné à madame que lors de son retour à la maison, elle serait frappée. Il a même ajouté s'être informé auprès d'une avocate qui lui a dit qu'il en avait le droit. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait chez nous, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait à Québec? Sa femme veut ouvrir une garderie. Au Québec, tu as le droit. Une femme peut faire ce qu'elle veut. M'a te frappé, m'a t'envoyé de l'acide au visage, m'a te brûlé les organes génitaux. Pourquoi personne parle de lui? J'en ai trois. C'est frappant à Québec, là. C'est une vague. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est aujourd'hui, le 6 février. Autre truc ici. Adèle Shérif. Il voulait l'égorger comme un mouton. Après qu'il eut menacé une jeune musulmane de l'égorger comme un mouton, Adèle Shérif s'est vu refuser sa remise en liberté. Il a frappé la victime à la joue gauche, et comme cette dernière tentait de s'enfuir, il a empoigné son foulard, il a sorti un couteau de cuisine, il a menacé de la frapper avec l'objet. Les gestes avaient pris naissance, la violence l'été dernier, la jeune femme a été aspergée de soupe chaude avant d'être battue à l'aide d'une ceinture et d'un bâton servant à mélanger la peinture. Ça a l'air qu'elle avait demandé d'aller... Elle avait demandé à lui d'aller chercher une tétine pour un biberon au magasin. Il l'a pas pris. Une femme me demande à moi d'aller faire une commission, envoyer la soupe chaude d'en face, ceinture, bâton. La belle shérif, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Pourquoi personne n'en parle? 5 janvier, on remonte encore. Une jeune mariée aurait vécu sous l'emprise de son conjoint jaloux qui aurait contrôlé plein d'aspects de sa vie, s'en est pris à elle physiquement. Origine marocaine. L'homme, également d'origine marocaine, a changé d'attitude quand il est arrivé ici à Québec. Il a contrôlé sa vie, l'empêchait de se parfumer et de se maquiller. Les sorties à l'extérieur étaient rares. Son mari l'empêchait de travailler ou d'étudier. « Ton rôle, c'est de faire mon linge, préparer le souper et entretenir la maison. » Selon la femme qu'on ne peut identifier, pour protéger son identité, son mari l'aurait également forcé à avoir contre son gré certaines pratiques sexuelles. L'accusé, qui pratique la religion musulmane, aurait récidivé à 3 ou 4 reprises. Il contrôlait même son poids. Il fallait pas que je dépasse 55 kilos. Pas gros, ça, hein? Non. A-t-elle spécifié en ajoutant que son mari choisissait ce qu'elle avait le droit de manger ou pas. Ça, là, c'est en un mois à Québec. Pendant que tout le monde capote sur l'imam Chaoui, je dis pas qu'il a raison, là. Il a tort dans tout ce qu'il dit, Chaoui. Mais lui, il parle, Chaoui. Les 3 cas que je vous ai nommés, pas à Montréal, à Québec. Nous sommes, je pense, en face de 3 musulmans fanatiques, radicales, qui n'ont pas d'affaires chez nous. Mais là, ils sont ici, ils ont des procès, on va peut-être les envoyer en dedans, on verra. Je sais pas si vous voyez la trame de fond à ça, là, elle est claire, là. Toutes des femmes qu'on a empêchées de vivre normalement, qu'on a embarrées, tu t'habilles comme je veux, tu fais du sexe, puis de la façon que je veux, puis quand je veux, sinon on va te battre. M'a lancé de l'acide, l'autre, il a lancé une soupe chaude au visage. C'est pas juste un gars stupide, là. Ça a l'air d'être des préceptes religieux qui sont derrière ça. C'est pas juste du comportement de quelqu'un qui aurait une personnalité borderline, là. Non. C'est tous des préceptes religieux qui semblent être derrière ça. Mathieu. C'est ça. La trame de fond semble être l'islam radical. Ça semble être basé sur des croyances. Ces 3 gars-là, tu sais, il y a des gars qui battent, plein de gars qui battent leurs femmes, malheureusement. Ça, les tribunaux sont pleins de cas de violence conjugale et de stupidité. Mais ça... Mais les gars battent leurs femmes, c'est pas correct. Mais en quelque part, ils savent que c'est pas correct, mais ils le font pour bien des raisons, des mauvaises raisons. Eux, là, ils battent leurs femmes en pensant qu'ils font le bien, là. Qu'ils ont le droit de traiter leurs femmes de même. C'est terrible. Qu'est-ce qu'ils font ici? Heureusement, c'est judiciarisé. Mais combien il y en a qui ne sont jamais dénoncés? Quel autre bon point, Mathieu? Ces 3 femmes-là, quel courage. Sérieux, là? Quel courage d'aller dénoncer leur mari musulman fanatique comme ça. Bravo! Pas sûr que leur communauté va y féliciter. C'est d'autant plus courageux de leur part, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de gens. Combien ne le font pas? Bon, ça, c'est les faits. Maintenant, je vous avais promis une solution, la voilà. Désormais, voici comment on devrait gérer l'immigration au Québec. Je ne sais pas si ça va se faire, mais il y a des affaires taboues là-dedans. 1, on va baisser le quota. 50 000, c'est trop. Bon, ça, je suis pas le seul à le dire, fait que c'est pas très spectaculaire, tu vois. Je commence mollo, tu vois. Deuxièmement, là, je vais m'inspirer de l'Australie. Fait que ça va passer aussi ce que je vais dire, là. Je garde le meilleur pour la fin, mais bon. En Australie, désormais, ils font passer des entrevues aux postulants immigrants. Et ils les confrontent aux valeurs occidentales. Oui. Ils vont leur montrer, par exemple, une fille sur la plage, toute seule, en bikini. Une autre qui est avec, qui est en train de conduire son auto. Ils vont leur montrer deux photos de femmes qui s'embrassent ou d'hommes qui s'embrassent. Ils vont leur montrer ça à ces gens-là pour voir leur réaction. Vous allez dire, il y en a qui vont feindre, ils vont faire semblant, puis rendu en dedans. Ce n'est pas une, c'est pas une solution miracle. Mais ils le font là-bas et ça a l'air que ça a porté fruit. Dans certains cas, ça a marché. Ils ont pu détecter des gens là qui, ah, toi, t'as pas d'affaires ça. Ça enlève l'ambiguïté. Ouais. Ça enlève l'ambiguïté, c'est ça le au moins tu le dis. Tu parce le que dis. Vous allez voir, là, c'est à ça que tu vas t'attendre. Ouais. Es-tu prêt à vivre avec ça? Tu me dis oui, je prends pour acquis que ton oui, c'est en toute connaissance de cause. Si après ça, tu te comportes pas conformément à ton oui, exact. Là, je te tiendrai responsable d'avoir été frivole quand je t'ai posé la question, puis c'était le temps du c'est fait. Bon, le meilleur s'en vient. Là, mes deux autres affaires que je vais peut-être être seul, mais vous me le direz, là. Une fois que tu l'auras dit, en rentrant ici, comment ça marche chez nous? Notamment le respect des femmes, etc. Tu vas leur faire signer un papier. On va te rentrer, tu vas être immigrant, parfait, tu t'en viens chez nous. Mais au cours des 5 ou 10 prochaines années, si jamais on te pogne, le contrat est signé, là. Je sais que dans une société, tout le monde a les mêmes droits. Mais compte tenu qu'on a bâti cette société-là, si c'est chez nous et qu'on t'accueille, tu vas signer un papier que dès que tu es condamné pour des infractions relatives à nos valeurs fondamentales, tu es automatiquement expulsé du pays. On t'enverra pas dedans, là. C'est pas vrai qu'on va payer 55 000 par année pour toi, là. Anyway, on te changera pas. Fait qu'on t'avertit, là. On t'a montré comment ça marche avec les femmes puis les minorités puis tout. Tu viens de me dire en pleine face que t'es d'accord avec ça. Excellent. Rentre au pays. Parce que les trois que je vous ai nommés tantôt, là, trompez-vous pas, là, s'ils sont reconnus coupables, ils vont pogner 6 mois en dedans, puis ils vont sortir et recommencer. C'est dans leur croyance. C'est pas du monde qui est en boisson, drogué, ou ils ont un problème de colère. Souvent, les hommes violents, ça peut être ça, là. Une thérapie, puis dans certains cas, moi, je pense qu'on peut les guérir. Dans certains cas, où ils vont s'éloigner de la boisson. Le gars, il pense qu'il a le droit, compte tenu de sa religion, de faire ça. 6 mois derrière les barreaux. Pensez-vous que ça va le changer? Pensez-y, là, je vous pose la question. Non. Nous allons signer un nouveau contrat avec les immigrants au Québec. Ce contrat-là va être clair. Tu viens chez nous, garde, t'as pas à t'inquiéter. Si tu pognes une balloune, on te mettra pas dehors. Tu vas devenir un citoyen comme les autres. Mais concernant certains crimes, là, tu les détailles, les articles de la loi, ça, genre battre ta femme, donne un exemple, battre ta femme, l'interdire de travailler, battre tes enfants, si tu fais ça, là, t'es expulsé du pays. On ne veut plus ça. C'est écrit. Si tu veux pas signer, signe pas. Ah non, je signerai pas ça, c'est une atteinte à mes droits fondamentaux. Bye-bye! Numéro 2, ça c'est le numéro 2. Numéro 1, des entrevues plus corsées. Numéro 2, un contrat que si jamais ils font de quoi de croche, on les expulse. C'est objection. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Sur l'expulsion, là, j'aurais peur qu'une femme hésite à dénoncer un mari qui serait abusif envers elle sous prétexte que il va partir puis je vais être encore plus dans la merde. Je vais me retrouver tout seul, il va être expulsé. Je sais qu'ils vont l'expulser, on le sait tout. Fait que je suis aussi bien de fermer ma boîte, sinon je perds mon mari puis je me retrouve tout seul ici. C'est un bon point, mais dans les trois qui sont rendus au palais de justice, elles, je pense que leur souhait, c'est que leur mari soit le plus loin possible, le plus longtemps possible. Est-ce que ça va traverser leur esprit? Ta question est très bonne. Pas pire que la prison, Mathieu. Si la femme sait que son mari va se ramasser en prison si elle a pas de plainte, tant qu'à ça, bien mieux de l'expulser au bout du monde. Peut-être bien, mais je veux juste te dire, attention à l'effet pervers de décourager quelqu'un de dénoncer sous prétexte que, mon Dieu, la sanction est tellement terrible que ça va gâcher complètement sa vie. Anyway, j'ai un troisième point. Celui-là, je suis pas sûr. Mais je le show de pareil. On peut-tu choisir nos immigrants mieux que ça? En mettant de côté, temporairement, certains pays. Ce que vient de écoutez bien. Là, faites-moi pas dire des affaires, j'ai pas dit. J'ai pas parlé de race, de couleur. Je parle de pays. Dans un pays, il peut y avoir toutes sortes de monde. Je vais vous expliquer mon point, là, avant que ça capote. Connaissez-vous beaucoup de terroristes au Mexique, là? Oui, les cartels de la drogue. Mais trompez-vous pas, ils veulent pas venir rester seuls. Ils sont bien chez eux, ils contrôlent leur affaire. Mais des terroristes religieux qui aiment aller dans les autres pays pour imposer leurs valeurs, là. Les Mexicains qui arrivent ici à Québec, là, en connaissez-vous beaucoup, qui arrivent ici et qui essaient de nous imposer qu'il faut absolument manger des tortillas à tous les vendredis. Mais c'est catholique romain au Mexique. Voilà. Les Vietnamiens, là, en connaissez-vous beaucoup qui arrivent au Québec puis qui décident qu'eux autres, ça marche demain puis qu'on va tout marcher, faut tout... Non, hein? Les Cambodgiens, les Allemands... Au Québec, on a choisi de baser notre immigration sur le français, puis depuis des années, c'est essentiellement des Marocains, des Algériens et des Tunisiens qui viennent ici. Il y en a qui m'écoutent, là, je sais, là, plein d'intaxis partout. Vous êtes ici, vous respectez nos valeurs, nice, aucun problème. Je veux pas vous barrer à vie, là. Non, ils sont bienvenus. Ouais, mais moi, je prendrais une pause pendant 5 ans. Peux-tu faire ça, ou je peux pas? Non, non, ça bouge, non, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Mais c'est parce que c'est des zones à risque. Moi, vous donner mon exemple. À un moment donné, pendant que l'Ebola frappait beaucoup le Nigeria, c'est ça, c'est au Nigeria que l'Ebola frappait le plus? Ben, dans l'ouest de l'Afrique, Sierra Leone, ouais. Libéria. Bon, ben, les gens qui provenaient de ces pays-là, quand ils voulaient rentrer chez nous, ils étaient en quelque sorte barrés, là. On les a barrés pendant un bout de temps. Question sanitaire, c'est pas controversé? Non. Mais pourquoi on a fait ça? Au nom de la sécurité publique. Ouais, mais c'est injuste, il y avait peut-être un Algérien ou un Nigérien qui avait pas l'Ebola. Ah oui, je sais. C'est bien plate. Mais l'Ebola, ça frappe ces pays-là, on les barre pendant un bout de temps. Après ça, on rouvrira. Ils viennent d'où, les trois cas que je vous ai parlé à matin, là? Ces trois-là, est-ce qu'ils viennent d'Allemagne, du Vietnam, de l'Argentine, de l'Italie ou du Maroc et de la Tunisie? Ils viennent d'où? Ben, pourquoi est-ce qu'on les barre pas pendant 5 ans? Ah, ça, raciste, non. Ça n'a pas rapport qu'une race. Pantoute. Zéro. Il y a plein de races là-bas, là. Puis, en même temps, on est ouvert à plein d'autres races. Fait que c'est pas du racisme. On a actuellement dans le monde une zone à risque concernant l'islamisme radical. Il y a des pays où il y en a, puis on s'aperçoit que c'est pas un hasard, là. Ils viennent pas chez nous pour rien. À la fameuse question que je pose tout le temps, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Moi, je commence à l'avoir la réponse. Ils viennent ici en combattant et en militant. Ils viennent ici pour nous changer. Beaucoup d'Algériens, attention, beaucoup d'Algériens sont partis à la fin des années 90, justement pour se sauver du Front islamique du salut. C'était extrêmement sanguinaire en Algérie la fin des années 90. Il y a beaucoup de réfugiés politiques qui sont venus justement pour échapper à okay. ça. OK, mettons que, ouais, là, tu vas dire, d'un coup, il y a un gars, justement, qui est en Tunisie, que sa femme, lui, est hyper laïque. Il veut justement fuir les musulmans radicaux. Bon, je t'envoie fermer la porte. OK, on barrera pas à double tour. On va les surveiller plus. On va décider que... Mais là, actuellement, là, je vous le dis, on fait l'inverse. C'est l'inverse! Quand tu viens des pays les plus à risque pour les islamistes radicaux, si tu parles français, tu vas passer en avant de la file. Parce que les maudits péquistes, nationalistes, la gang, eux autres, c'est le français. C'est le sort de la langue sur l'île de Montréal qui fait foi de tout. Pour ça, là, les nationaleux péquistes sont prêts à tout. Y compris fermer les yeux, puis faire venir des gens qui viennent de pays où il y a un risque. Puis, ah ouais, go, ils parlent français, go. Les trois cas que je vous ai parlé tantôt de violence parlent tous français. Ils sont probablement rentrés ici pour satisfaire à des quotas de français des nationaleux, là. C'est ça, puis on se ramasse avec ça. Eh bien, beau, il parle français. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Est-ce qu'on peut cibler? On peut-tu aller ailleurs? Ça se peut-tu, ça? Est-ce qu'il n'y a pas une dépêche qui disait que le gars, son comportement avait changé depuis qu'il est arrivé ici? Oui. Ça, c'est peut-être ça le plus gros problème. Plus que son pays d'origine, c'est peut-être plus les gens avec qui il s'est abouché ici. Oui, ça me fait peur, ça. Ben, peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faut agir bien plus que de désigner des pays arbitrairement comme étant forcément des gros problèmes. Parce que, comme je te dis, l'islamisme, c'est un gros problème en Algérie à la fin des années 90, mais là, le problème, c'est plus déplacé au Moyen-Orient. Et c'est de là qu'il faut peut-être plus craindre, entre guillemets. On a eu cette conversation-là, toi puis moi, il n'y a pas si longtemps, puis je continue à penser, moi, qu'il faudrait responsabiliser la communauté. Il faudrait que tous puissent être tenus responsables d'avoir fermé leur boîte en voyant clairement quelqu'un qui est en train de se radicaliser. Ça, c'est pas mauvais non plus, Marc, mais on peut-tu prendre un break de 5 ans? Ça serait-tu la fin du monde pendant 5 ans? Là? Quel drame majeur? En passant, là, on en refuse plein de monde. On n'est pas obligé d'accueillir tout le monde. On peut dire non à quelqu'un. Moi, quand je fais un souper chez nous, là, indirectement parlant, je barre plein d'amis. Parce que je n'invite 6-7 maximum, les gens qui sont autour de la table. Et on fait tout. C'est notre société, le Québec. C'est notre chez nous. On peut tout dire pendant 5 ans, ces 4-5 pays-là, tous les pays qui sont prises avec des islamistes radicaux, vous êtes barrés du Québec pendant 5 ans, on va prendre un break. On va faire le ménage, on va responsabiliser nos communautés, on va resserrer nos critères d'immigration, puis on rouvrira la porte dans 5 ans. Est-ce que Mme la ministre Veil de l'immigration n'a pas annoncé qu'elle allait justement revoir le programme d'immigration québécois, peut-être pas sur le nombre, mais sur la qualité, là, les qualifications, axer plus ça, comme le fédéral, sur l'employabilité, ouais, plus que justement un critère strictement francophone. Nos trois cas que j'ai ciblés tantôt en début, là, ont tous des diplômes. Ben oui. Ils ont tous des jobs. Fait que si on regarde juste le français, c'est une erreur. Si on regarde juste le diplôme puis le cash, c'est une erreur. Nous avons un choc des valeurs. C'est là-dessus qu'il y a un affrontement et un choc. Des gens viennent ici, traitent leurs femmes comme des animaux. Ça ne doit pas passer. D'ailleurs, c'est toutes des femmes, les Kathleen Ville de ce monde, qui devraient être plus rough, mais ils ont tellement peur d'être taxés de racistes, sont tellement impressionnés, puis ils ont peur des gauchistes, que non, ils n'oseront jamais faire ça. En tout cas, on en a parlé entre nous autres, ça m'a fait du bien d'en parler. Studio, moi, j'aime ce que les Australiens font, je trouve ça le fun. Oui, on peut commencer. Ça, je suis capable de vivre avec ça. Après ça, c'est parce qu'il y a trop de place à de l'arbitraire, puis à des affaires. Ils font quoi? Hein? Précisément, ils font quoi? Ben, je l'ai compté au début, là. Okay. C'est l'affaire des photos. Okay. Tout ce que le numéro 1. Studio A commercial FM 80.